Selon les dépêches, la 17e action pan-nationale pour la destitution de Park Geun-hye est livrée simultanément le 25 courant dans toute l'étendue de Corée du Sud, y compris Séoul, sous les auspices de l'Action populaire extraordinaire pour le retrait du pouvoir de Park Geun-hye. Ce jour-là, plus d'1 070 000 personnes, notamment les ouvriers, paysans, jeunes et enfants, enseignants, artistes, membres des formations de toutes les couches, chefs des organisations autonomes locales et parlementaires de l'opposition, y ont participé avec la bougie dans la main. En outre, d'après le journal d'internet sud-coréen Chazu Sibon, le corps de lutte Chungbongjun, constitué des membres de la Fédération Générale Nationale des Sociétés des Paysans, a commencé le 23 courant dans les provinces du Chungcheong du Sud, du Jeolla du Sud et du Nord et ailleurs, la troisième manifestation des tracteurs pour la destitution de Park Geun-hye et le paiement du prix de riz.